dans le mouvement, ça mouvant. Climat souvent du nord, souvent des milliers de jeunes, trop souvent pris dans roue, dans son mouvant, mêlant nous masse à nous sur le vrai dénouement. Jusqu'au moment où tout se dérobe en un roman devant nos yeux, dormant, l'empire se forme en empirant la vie de ceux qui transpirent, en essayant d'éduquer du mieux leurs enfants. Excuse mon moment, si par moment j'étais dur à vivre, semi-mort vivant, ça m'y vrai. Je me disais qu'un jour ça je m'y ferais, ce qui ferait ce que je ferais, mais c'est pas vrai. Y'a ce qui est vrai que si ça m'effraie, que le rap peut se faire en effet. Au fait, c'est comme toutes les autres musiques, sauf que c'est plus vrai. L'effet peut-être positif, sauf que très souvent le contraste met devant. Puis ça me contrarie de penser que le plus important dans ma vie, c'est ça me drochine depuis chaque nuit. C'est pourtant ce qui arrive trop souvent. Y'en a trop qui essaient c'est trop vite, soit ils finissent par glisser la mythe. Alone by yourself, realize that you couldn't be more surprised that if you find another way to make the hip-hop rising. Alone by myself, j'ai découvert pour s'en sortir, faut être wise. L'hip-hop fait déjà trop dommage, serait dommage que le monde open but our eyes. Faudrait qu'on pense plus à ce qu'on fait, faudrait penser les plaies du monde tué ou juste s'en foutre par le rap. C'est mes faits, y'en a trop, qu'est-ce qu'on peut faire à part dire les mots qu'on préfère. Y'a des mots partout sa terre, c'est clair, mais le monde s'y entre. Trop souvent le rap game sur la gare, la pauvreté, la famine, d'autres sujets pour lesquels j'ai trop pété de mine. J'pourrais encore écrire là-dessus pour des millénaires, mais ça videra pas le désert où chaque grain de sable est une prière d'un père déçu, d'une mère échue ou d'un jeune avis fichu. Ah oui, c'est tasse l'issue, qu'est-ce que t'attends sur dessus. Le rap, ça te comme un chien, puis ça te colle comme une sorcière. Si tu te bats contre, si tu le donnes, si tu t'enfonces, si tu montes. Une chose est sûre, tu restes accroché. Qui t'a tout envoyé, scratché ou à tout lâché. Au bout du compte, t'écris sur le mur à t'entacher. Tu rides des cahiers, yeux pochés. Ça change le monde, les pour les comptes. Sauf, so, faut un compte pour enfants. Alone by yourself, realize that you couldn't be more surprised that if you find another way to make the hip-hop rising. Alone by myself, j'ai découvert pour s'en sortir, faut être wise. L'époque fait déjà trop dommage, serait dommage que le monde open but our eyes. Alone by yourself, realize that you couldn't be more surprised. Alone without that, now I can't see what you think in your eyes. So long as I know I know what is wrong, false in your eyes. Your time is right when you finally find your family ties. Ma blonde, mes bros, ma famille, c'est ça l'important. Même si des fois l'atmosphère vient chaud, ça pète. Avec le temps, je réalise que c'est des moments que ça brille et que ma bonne humeur, je la prise. Ça chaîne dans le sens où tout va bien. Sachant qu'il y a aussi la fatigue, mais ça c'est trop tough, ça m'entient. Parce que mon stuff, ça m'ortit. Je ferai pas de bluff, c'est la nuit. Sauf dans le fond, ce que je dis, c'est que s'il est pas. Prends ta vie, j'adore ça de bord, pis grogne. Prends le taureau par les cons, pis donc le, c'est ça que tu gagnes. Sors le roman, raconte-le, sors ce qui te pogne. Garde au cœur, y'a pas de pogne, pas de rancœur. J'dirais même pas de vainqueur. C'est quoi le mérite d'être menteur, resti? Y'en a pas, resté sur même la clé du bonheur. Moi j'te dis que c'est ça. Alone by yourself, realize that you couldn't be more surprised that if you find another way to make the hip-hop rising. Alone by myself, j'ai découvert pour s'en sortir, faut être wise. L'époque fait déjà trop dommage, serait dommage que le monde open but our eyes.